Paul Verhoeven, cinéaste de l'ironie, aujourd'hui, le film Elle, peut-on refuser d'être une victime ? Je me suis sans doute éraflé la joue. Elle me brûle. Ma mâchoire me fait mal. J'ai renversé un vase en tombant. Je me souviens l'avoir entendu exploser sur le sol. Je me demande si je ne me suis pas blessé avec un morceau de verre. Je ne sais pas. Le soleil brille encore dehors. Il fait bon. Je reprends doucement mon souffle. Je sens que je vais avoir une terrible migraine dans quelques minutes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Comment ai-je pu relâcher ma vigilance? J'ai tellement honte. Je suis tellement furieuse à présent. Furieuse après moi. Il y a une chaîne à ma porte. Il y a une maudite chaîne à ma porte. L'ai-je oubliée? Je me relève et je vais la mettre. Je pince un instant ma lèvre inférieure entre mes dents et je reste immobile une minute. En dehors du vase cassé, je ne constate aucun désordre. Je monte me changer. Vincent vient dîner avec son ami et rien n'est prêt. Bonjour Muriel Joudet. Bonjour. Vous êtes critique cinéma au Monde, vous êtes l'auteur de Isabelle Huppert aux éditions Capricci, c'est sorti en 2018. On a entendu la toute première scène de Elle, le film de Paul Verhoeven. Alors on l'a entendu et les spectateurs aussi ne font que l'entendre car ce film, bizarrement, commence par un écran noir. Comment expliquer cet écran noir sur une scène de viol ? Alors justement, c'est pas une scène de viol, on voit pas le viol en fait, c'est ça qui est frappant quand on regarde bien. Même moi j'avais oublié qu'on ne voyait pas le viol, en fait on le voit plus tard sous la forme d'un souvenir, et du coup je pense que c'est là qu'on se dit qu'on a vu le viol, mais en fait au début qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un écran noir, il y a le bruit d'une agression, dont on va comprendre que c'est un viol, et puis le film s'ouvre sur un chat, et puis on voit donc un agresseur qui a l'air, voilà, qui a terminé, qui se relève, et là qu'est-ce qu'on voit ? On voit juste Huppert, une femme qui se relève, qui prend du temps mais qui se relève. Et ça, je trouve ça très beau parce que je pense qu'il faut être précis avec la scène, mais on voit une femme qui se relève. Et ça, c'est le cinéma de Verhoeven et c'est le cinéma d'Isabelle Huppert, c'est-à-dire la fiction commence avec une femme qui ressuscite. Et c'est une femme qui va mourir plusieurs fois et ressusciter plusieurs fois. Donc on a là presque déjà un portrait de mutante en une scène. Et surtout, ce qu'on comprendra plus tard, c'est que Huppert s'est un peu dissocié de son corps depuis, dans le film, mais bien avant, depuis La Pianiste et même depuis avec Chabrol. C'est quelqu'un qui n'habite pas son corps, dont le jeu, plus elle avance dans sa filmographie, plus son jeu se trame d'absence et des nuances d'absence. Et c'est un film qui parle de ça. C'est un film qui joue avec les nuances d'absence d'Huppert. Et on va comprendre qu'en fait, Huppert, c'est le chat et que Verhoeven va filmer Huppert comme un chat. C'est ce film qui vous a donné envie d'écrire, Muriel Joudet, sur Isabelle Huppert, et vous dites que Elle, donc de Paul Verhoeven, est vraiment un Huppert movie. C'est ça, c'est que vient un moment où quand, dans la carrière des grands acteurs, où les films réfléchissent, il n'y a plus le concept de personnage, les films réfléchissent à ce qu'est l'acteur, vraiment à son corps, à ses gestes, à sa persona, à l'inconscient de sa filmographie. Et il y a vraiment, et c'est là qu'on peut dire qu'il y a une vraie politique des acteurs, comme le dit Luc Moulet, c'est qu'il y a vraiment des thèmes qui reviennent dans la filmographie du père. C'est vraiment frappant. Et notamment, le viol. Elle a été, dès 70, Philippe Bouvard dit qu'elle est l'actrice la plus violée de France. Phrase incroyable, surtout, qui arrive très tôt dans sa carrière, où elle a vraiment pas encore, sa filmographie reste à faire. Et du coup, en fait, Verhoeven et Huppert se retrouvent sur ça. Il y a beaucoup de scènes de viol chez Verhoeven, il y a beaucoup de scènes de viol chez Huppert. Le point commun, ce qui arrive en fait au viol dans la filmographie d'Huppert, c'est qu'au début, c'est un traitement très naturaliste, très réaliste. Et peu à peu, plus ça avance, donc on a Dupont-la-Joie, où elle se fait violer et assassiner, puis on a La Porte du Paradis, puis on a La Pianiste, puis on a Elle. Et cette figure, en fait, cette représentation du viol va peu à peu se déréaliser, va devenir un motif pictural. Au début, on est dans quelque chose de très cru. Elle reçoit la violence, elle est victime de la violence. Et à la fin, avec elle notamment, et c'est ce qui m'avait frappé, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, je me suis dit, là il se passe quelque chose de l'ordre de la performance, là on a presque le rapport d'un peintre, ou même de deux peintres, Verhoeven et Huppert, qui ont un motif pictural, qui est le viol. Et tous les deux ont ce sujet, ce thème et ce motif en commun dans leur filmographie. Ce qui est intéressant, c'est que Huppert, à ce moment-là, dans le film, quand elle est allongée au sol, on a l'impression effectivement qu'elle n'est plus dans son corps, en fait, qu'elle va réhabiter son corps, et ça va être un petit peu tout ce réapprentissage du corps, de se relever, mais de reprendre possession de son corps. C'est ça, il y a deux choses. Je pense que la condition féminine chez Verhoeven, c'est deux choses. C'est un... les femmes, vraiment je parle de cinéma, les femmes sont exposées en permanence à la violence. Ça c'est aussi quelque chose... La filmographie du père est en ce sens un film de Verhoeven, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un rapport extrêmement privilégié à la violence. Il y a à la fois des viols, il y a des incestes, il y a des meurtres, il y a des empoisonnements. C'est une actrice et un cinéaste totalement anti-romantique qui pensent que les rapports entre... C'est-à-dire Huppert au cinéma et les films de Verhoeven ont aussi cet autre point commun que les rapports entre les hommes et les femmes sont une guerre ouverte. Il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas d'amour, il y a juste une guerre. C'est vrai que la violence est vraiment toujours présentée chez Verhoeven comme un lien paradoxal, indéfectible entre les hommes et les femmes. C'est ça, c'est vraiment un cinéaste réductionniste. C'est très difficile de trouver de l'amour chez lui. C'est vraiment quelqu'un qui pense que, qui rétablit en fait la conflictualité entre les hommes et les femmes, exactement comme le fait Huppert. Et c'est ce qui en fait une figure très féministe, très contemporaine. C'est qu'elle a compris avant tout le monde qu'il n'y avait que ça peut-être entre les hommes et les femmes. En tout cas, elle outre cette idée que finalement il y a du conflit entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que voilà, sa filmographie peut être vécue comme un film de Verhoeven. Mais hier, on a commencé notre semaine sur Paul Verhoeven avec Robocop. Alors c'était en 87, c'est le premier film américain de Verhoeven. Là, on est en France, c'est un film de 2016, donc on est presque 30 ans plus tard. Et pourtant, il y a quand même une sorte de parallèle qu'on peut faire entre Robocop, ce super flic machine, et Isabelle Huppert, enfin Michel Leblanc, qui est le personnage qu'incarne Isabelle Huppert dans Elle de Paul Verhoeven, c'est qu'en fait tous les deux refusent, et ça va être vraiment le cœur de notre discussion, Muriel Joudet, refusent ce statut de victime. Ils sont à la fois le produit de leur époque, de leur milieu, et en même temps ils refusent d'être juste réduits à cet état-là. C'est pour ça que je parle de reprise du corps de Huppert, mais aussi en fait ça se produit chez Robocop, où il reprend possession de son corps, et notamment de sa mémoire et d'une manière organique d'être. Et ça, on peut faire un parallèle entre ces deux films qui, a priori, n'ont rien à voir. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en voyant le film et en écoutant l'émission d'hier, je me suis dit, de toute façon, Huppert, c'est Robocop. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas une femme, c'est une machine-femme. Et il faudrait aller plus loin qu'elle refuse. C'est pas qu'elle refuse le statut de victime, c'est que dans cette idée qu'il y a toujours du mécanique plaqué sur du vivant chez Verhoeven, il y a quelque chose de complet. Dans l'idée de filmer des êtres qui sont mus par leur pulsion, il y a vraiment cette idée qu'on est finalement des machines. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, oui, il faut aller plus loin. C'est que c'est pas le refus du statut de victime, c'est que dans le logiciel du film, il n'y a pas ce concept. C'est vraiment cette idée que. Enfin, il y a. À un moment, on lui suggère que quand même elle devrait être traumatisée, qu'elle devrait appeler la police. Mais chez Verhoeven, il y a vraiment pas ce concept. C'est-à-dire qu'il n'est pas, le plus souvent, il n'est pas suggéré dans Showgirls, dans Black Book. Il y a vraiment cette idée, une femme, ça ressuscite. Et ça n'a pas le temps de, je vais pas dire de s'apitoyer, mais ça n'a pas le temps d'être une victime. Alors on peut écouter, Muriel Joudet, justement cette scène à laquelle vous faites allusion, donc cette scène d'un dîner entre amis où Isabelle Huppert, donc Michel Leblanc, annonce à ses amis ce qui lui est arrivé, et effectivement, on entend que le statut de victime ou l'idée de victime n'a pas sa place ici, et on pourra en reparler, Muriel Joudet, parce que c'est assez problématique de faire un film sur le viol sans laisser de place à ce statut de victime. Richard, tu dirais toi que je suis étroite pour une femme de mon âge ? Salut ! Salut ! Merci. Alors, quoi de neuf, Loser ? Ça va, Manoudou ? Vous arrivez juste à temps pour entendre Michel ne pas me dire ce qu'elle pense de mon idée de jeu. Mais non, c'est très intéressant. Un peu, c'est intéressant. Alors, vas-y, raconte. Quatre coupes. Non, une bouteille. On est dans un avenir où les chiens ont tous été anéantis par un virus. Alors les gens ont des robots chiens comme animaux de compagnie. Le joueur est le Spartacus des robots chiens. C'est nouveau. C'est intéressant. J'ai quelque chose à vous dire. Je cherche une façon simple et naturelle de vous le dire, mais j'y arrive pas vraiment. Alors, voilà, j'ai été agressée chez moi. Je crois que j'ai été violée. Violée? Mon Dieu. En vrai? Quand ça? Jeudi à 3h. Et t'as rien dit? Eh ben, je sais pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut dire? Mon Dieu. Oh, qu'est-ce que j'étais conne de vous le dire. Mais non, t'es folle. Un Piper Heitzig. Très bien. Attendez 5 minutes avant de l'ouvrir. Tu vas bien? Faut que tu vois un médecin. C'est fait. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les flics? T'as pas été les voir. Michel, il faut que tu signales ça à la police tout de suite. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais ça y est, c'est fini, c'est plus à peine d'en parler. On va pas épiloguer. Bon, commande. Je crois que j'ai été violée, je sais pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut dire, on va pas épiloguer. Voilà la manière dont Michel Leblanc, interprété par Isabelle Huppert, annonce son agression sexuelle, son viol à Richard, donc interprété par Charles Berling, qui est son ex-mari, sa meilleure amie Anna, qui est aussi son associée, puisqu'elle dirige une boîte de jeux vidéo, qui est interprétée par Anne Consigny, et donc le compagnon de sa meilleure amie, qui est d'ailleurs aussi son amant, il faut le dire, donc c'est Robert, interprété par Christian Berkel. Et là, on a entendu quelque chose de très subversif. Effectivement, cette non-place laissée au statut de victime fait que Isabelle Huppert ne sait pas où se situer. Elle a vécu quelque chose, mais elle ne sait pas quoi en dire, et c'est ça qui est subversif, moins le viol, que cette manière de ne pas savoir quoi en dire et comment se situer par rapport à ça. C'est ça, c'est Robocop, et en même temps, encore une fois, il faut peut-être penser à d'autres films. C'est là que vraiment il y a un jeu sur la persona Huppert. Par exemple, dans Abus de faiblesse, un film de Catherine Breillat, elle dit « Je suis la personne la plus chanceuse du monde parce que tout ce qui m'arrive, je peux le supporter ». Et c'est vraiment ça, Huppert, c'est qu'elle est chanceuse de supporter absolument tous les malheurs. Et les cinéastes le savent, et les cinéastes s'amusent à tester sa résistance. Et de toute façon, Verhoeven teste la résistance de ses... c'est très simple. Pour montrer qu'une femme est insubmersible, est invincible, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut lui faire vivre plein de catastrophes. Et c'est exactement ce qui se passe avec Huppert dans Abus de faiblesse, dans La pianiste, dans ce film. Il y a vraiment un côté jeu vidéo que travaille notamment elle. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais au début sur... Verhoeven filme un chat, parce que en fait, quand on est devant un chat, on est fasciné, on a envie de savoir ce qu'il pense, on a envie de savoir s'il pense. Et on aimerait presque lui ouvrir le crâne et voir ce qu'il y a dedans. Et Verhoeven regarde comme ça Huppert, c'est mais qu'est-ce que tu penses? Et je pense que c'est Saïd Ben Saïd, le producteur, qui, je lisais une interview de Verhoeven qui disait, mon producteur Saïd Ben Saïd comparait le film à Belle de jour, et c'est très juste parce que ça fait partie de ces films qui tournent autour de leur actrice, de leur héroïne. Je pense à Vertigo, à Eyes Wide Shut, à Basic Instinct, cette idée de on filme une femme. Et on aimerait savoir, on aimerait vraiment, elle fait n'importe quoi, ou elle fait des trucs très très bizarres, et on aimerait savoir ce qu'elle pense. Et on le saura jamais, et c'est ça qui, c'est une question de cinéma, et c'est ça qui est cinématographique. Et ça, je trouve que c'est, ça ouvre un, ça devient presque surréaliste. Il y a un côté, voilà, je trouve que c'est plus intéressant que rentrer dans la psychologie. Il y a aucune psychologie, il y a plus de la psycho. C'est plutôt psycho-illogique chez Verhoeven, en fait. Il n'y a rien qui est cohérent. Et ça crée un mystère et ça fait monter une sorte d'inconscient. C'est-à-dire que je pense que Huppert n'a pas de psychologie dans le film, mais peu à peu, on va voir qu'elle a un inconscient et que c'est son inconscient qui travaille le film. Et pour moi, le cinéma est fait pour ça. C'est que chez Verhoeven, il n'y a pas de mystère, mais cette absence de mystère crée une sorte d'inconscient dans le film. Qu'est-ce que vous entendez par inconscient d'Huppert? C'est-à-dire que, justement, c'est ça, c'est que on sent qu'elle agit pour quelque chose de, qu'elle est agie par des forces mystérieuses, en fait. On se dit, c'est pas de la psychologie, parce que la psychologie, c'est littéral. La psychologie, c'est aplanir, c'est dire, cet homme viole. Elle cause tel effet. Voilà. C'est une relation causale, de cause à effet. Et l'inconscient, c'est, on ne peut qu'interpréter. Et en fait, les interprétations, il n'y a pas de, c'est pas un régime de vérité. C'est ce qu'on va faire avec le film, en fait. C'est-à-dire qu'on va avancer des hypothèses comme un psychanalyste, mais il n'y en aura pas une qui sera vraie. Il faut juste que ça colle avec le film, que ça marche, mais il y en aura peut-être 5. C'est ça qui est intéressant avec l'idée de Verhoeven, cinéaste de l'ironie, mais même en fait plus que de l'ironie, peut-être de l'ambiguïté, c'est que finalement il ne dit pas quelque chose alors qu'en fait il pense le contraire. Il montre quelque chose alors qu'on ne sait pas ce qu'il pense et on ne sait pas ce que ces personnages pensent. Et effectivement, à propos de ce rapport entre Belle de Jour et elle, Paul Verhoeven disait « Il y a quelque chose de Belle de Jour dans elle, dans le sens où mon film aborde aussi des comportements jugés immoraux ou anormaux en les traitant comme s'ils étaient normaux. » Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui choque, notamment dans cette scène. D'ailleurs, dans cette scène, on rit. En fait, on est. Et d'ailleurs, les trois quarts du film, on rit. En fait, c'est vraiment presque une comédie. Il y a quelque chose de choquant, de proprement subversif, à dédramatiser quelque chose qu'on nous présente sans cesse sous la forme d'un drame, à savoir un viol et ses répercussions. C'est ça. Et c'est là que c'est. Je trouve, c'est très. C'est beaucoup plus intéressant de voir ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que la comparaison avec Belle de Jour est. Et c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire, c'est là que j'insiste vraiment sur la notion d'inconscience, c'est prendre en charge en fait le fait que ce territoire, la sexualité, est peut-être agi par des forces qui nous dépassent, qui peuvent pas être quadrillées par le psychologique, le sociologique. C'est pas un film sociologique, c'est pas un film psychologique, c'est pas un film. Si vous voulez, le viol dans le film est tellement déréalisé qu'on a vraiment l'impression d'être chez Buñuel en fait. Mais est-ce qu'on pouvait faire ça avec le thème du viol ? C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui a suscité, il faut le dire quand même, elle a été extrêmement bien accueillie par la critique, par le public. Il a été primé. Isabelle Huppert a eu un César, mais quand même, il a été aussi extrêmement critiqué. Et on a notamment dit que, notamment des critiques féministes, ont dit que c'était une apologie du viol. Et effectivement, déréaliser à ce point le viol, alors qu'on est dans une période où on essaie justement de pouvoir le montrer dans sa vérité, alors que c'est quelque chose de caché qui n'est pas audible, c'est presque insupportable. Oui, mais je pense que moi, je vais être très claire et très simple. Je trouve que le film, justement, en prenant en charge cette part d'inconscient, agit sur quelque chose qui est souvent mis de côté chez les féministes. Alors, je pense à une féministe critique américaine qui s'appelle Molly Haskell, qui a écrit un livre dans les années 70 qui s'appelle La femme à l'écran, un livre incroyable qui retrace vraiment l'histoire de la représentation de la femme dans le cinéma américain des années 20 aux années 70. Et elle s'étonne de voir que, par exemple, Le dernier tango à Paris est un film qu'apprécient plus les femmes que les hommes, que les femmes apprécient quand une femme se fait tabasser par un mafieux sicilien dans les films de mafia des années 70. Et elle dit en substance que cet état de fait invite forcément à une réflexion, nous oblige même à une réflexion sur, je la cite, nos vieux fantasmes de viol, sadisme, soumission, qui sont pour notre émancipation et notre compréhension de nous-mêmes aussi importantes que la lutte pour s'autodéterminer dans la vie sociale. C'est-à-dire qu'à un moment, le féminisme doit prendre en charge cette part de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a un fantasme d'agression. La question de savoir est-ce que c'est la société qui, étant violente, nous invite à, dans la sphère privée, à avoir ces fantasmes. Oui, nous a imprégné, on a intériorisé. Voilà. Ou est-ce que, et on le verra avec Michel parce que c'est exactement ce que raconte le film, il ne le raconte pas, c'est-à-dire qu'il pose toutes ces questions. Donc est-ce que c'est la société qui nous invite, est-ce qu'on est victime de nos fantasmes et victime de la société, ou est-ce que Michel, femme dominante, femme alpha qui dirige son monde, quand elle est dans sa vie intime, quand elle est en train de faire l'amour, elle a envie d'être dominée. Vous voyez, donc est-ce qu'il y a un continuum société sexualité ou est-ce qu'il y a une coupure, et finalement la sexualité rétablit l'inégalité, venge un peu la vie publique, la vie sociale. Et ça, pour moi, je trouve que le film ne répond à rien, vraiment. Pas avoir de réponse. C'est ça. On verra la scène tout à l'heure de vraiment où il y a un jeu du chat et de la souris entre Laurent Lafitte et Isabelle Huppert. Donc Laurent Lafitte, qui est son violeur, qui est son agresseur, et ça devient vraiment là un jeu. On verra que vraiment toutes ces hypothèses sont ouvertes. C'est ce que je disais, c'est un travail psychanalytique. On avance avec des interprétations, et ce qui est génial avec le film, c'est qu'elles marchent toutes. On peut dire que Michel est une victime de la société, d'une société patriarcale. Et parce qu'elle règne dans un milieu vraiment où règne la culture du viol, c'est-à-dire qu'elle dirige une boîte de jeux vidéo, voilà, où elle est entourée de petits mecs qui passent leur temps à la défier. Elle-même, d'ailleurs, en fait, quand elle voit un prototype de jeu vidéo et il y a un viol de son personnage, de l'héroïne féminine dans le jeu vidéo, elle trouve que ça n'est pas assez violent, qu'on ne voit pas assez, je cite, les convulsions orgasmiques. Donc elle-même, en fait, effectivement, on voit bien, c'est imprégné de cet univers-là. C'est ça, c'est que le film, et Verhoeven le disait très bien, il faut, parce que quand on voit voit un viol dans un film, le viol a tendance à aspirer tout le reste. Mais elle, c'est l'histoire d'une femme qui se fait agresser toute la journée par SMS, dans le café, c'est vraiment ça. Et du coup, ces scènes de viol, on peut vraiment se dire qu'elle est plongée dans une culture machiste et que du coup, elle a envie de se faire dominer dans sa vie sexuelle. Et on peut vraiment la voir comme une femme très très forte. Une mutante et se dire qu'en fait elle domine son monde, ça marche aussi, elle domine son monde et du coup personne ne la domine et du coup dans sa vie sexuelle elle aime se faire dominer. On peut vraiment avoir, et on peut avoir une troisième lecture, mais je vais la laisser pour plus tard pour l'extrait. Réservez-nous ça, on va écouter une autre agression, peut-être l'agression originelle qu'a vécu le personnage de Michel Leblanc. C'était dans son enfance et elle le raconte à son voisin, interprété par Laurent Lafitte, qui on le découvrira dans la suite du film, effectivement son agresseur. Qu'il soit maudit, qu'il soit damné, ferme le livre. Sonne la cloche, éteins la bougie. C'est quoi ça? Ah, vous êtes un très mauvais catholique, vous connaissez pas le rite d'excommunication? Et vous, oui. J'en ai entendu parler, oui. Mon père me faisait toujours le signe de croix comme ça. Avant d'aller à l'école. Il le faisait d'ailleurs à tous les enfants du quartier. Mais il y a des parents qui ont fini par lui demander d'arrêter. Ça peut se comprendre. Oui, enfin, mon père, apparemment, il l'a mal pris. Hein. Il a fait sa tournée ce soir-là. Il a frappé à toutes les portes. Il est rentré dans toutes les maisons du quartier avec un fusil à pompe, un marteau de boucher et une paire de couteaux de cuisine. Oui, je crois que j'ai déjà entendu parler de cette histoire. Ah oui, mais vous avez entendu parler des 27 victimes humaines, mais vous n'êtes pas au courant pour les animaux. Bizarrement, on n'en parle jamais. 6 chiens. Des chats aussi. Pour une raison qu'on ignore, il a épargné un hamster. Ça ne s'invente pas. Moi, j'étais en train de faire mes devoirs quand il est revenu à la maison. Complètement couvert de sang. Ma mère était encore au travail. Elle était infirmière à l'époque. Mais vous imaginez, ma mère? Infirmière. C'est rigolo, non? On n'est pas obligé de parler de ça, vous savez. Ah non, mais ça me dérange pas. Ça me fait du bien d'en parler. Après, il a voulu brûler tout ce qu'il y avait dans la maison. Alors, je l'ai dit à tout mettre dans le feu. On arrachait tout. Les rideaux, la moquette, les tables, les chaises. Tout dans le feu. C'était très excitant. Hein. Ça vous galvanise, un truc pareil. Et juste quand on allait mettre les vêtements dans le feu, la police est arrivée. Quelqu'un m'a pris en photo. Et bizarrement, c'est cette photo-là qui est restée gravée dans la mémoire des gens. De moi, à moitié nue, couverte de cendres. La photo de la petite fille psychopathe. À côté de son père. Psychopathe. J'ai un regard vide sur la photo qui est terrifiant. Ah. Pas mal, hein? Pas mal, hein. Alors j'adore ce moment où Isabelle Huppert dit pas mal, hein, parce qu'on est quand même dans un grand moment de drame, de tragédie. Michel Leblanc, on a l'impression, nous livre un peu la clé psychologique de ce qu'elle est. Et puis finalement, non, en fait, on est perdu parce qu'en fait, ça n'est pas une clé psychologique. On croyait avoir la réponse. Finalement, Michel a toujours été une victime. Avant d'être de viol, elle a été victime d'abord de la folie de son père, qui l'a fait passer pour une petite psychopathe. Et finalement, en fait, ce pas mal, non, vient nous dire que elle n'est pas du tout en fait réductible à sa psychologie ou un trauma originel. Elle est au contraire plutôt définie par ses actions, c'est-à-dire par le fait de raconter de cette manière-là ce qui pourrait la définir comme une victime, mais ce qu'elle refuse en même temps. C'est ça, puis elle est en train de dire aussi donc à son amant agresseur, sur le niveau violence, je te bats. Et ce qui est très beau, alors, c'est en revoyant le film et c'est en travaillant pour l'émission que je suis rentrée dans la symbolique de la scène, peut-être même en... C'est un peu tiré par les cheveux, mais il faut recontextualiser. On est le soir de Noël, juste avant, donc Rebecca, jouée par Virginie Efira, donc qui est l'épouse de Laurent Lafitte, qui est vraiment une catho... très voilà qui, très fade, on va comprendre plus tard qu'elle est plus intelligente qu'elle le montre, dit la nativité, elle installe la crèche et elle dit la nativité ça me fascine parce que c'est là que tout a commencé. Ouais, elle dit ça me touche beaucoup, c'est là où tout a commencé. Voilà. Et donc là dans la scène, c'est le soir de Noël, on fête la nativité, il y a la messe à la télé et ça c'est très important parce que pourquoi le personnage de Michel raconte ça maintenant, raconte son histoire maintenant, c'est qu'elle est en train de dire non en fait, tout ne commence pas avec la nativité, tout commence par la violence. Et ça c'est quelque chose, et le film lui-même commence par la violence, commence par un viol et j'ai essayé de revoir tous les débuts de films de Verhoeven, il y a très souvent une scène de violence inaugurale dans Holoman, dans La chair et le sang, dans Turkish Delight, dans Basic Instinct, souvent des scènes qui montrent bien qu'en fait la fiction commence par la violence, c'est vraiment la violence qui lance la fiction. Et Michel elle-même raconte là qu'elle est vraiment née de la violence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que les cinéastes, quel est le fait premier pour Verhoeven, c'est la violence. Au même titre que par exemple, je sais pas, pour Truffaut, ça va être le sentiment. Pour je sais pas Woody Allen, ça va être la psychologie. Pour Verhoeven, c'est la violence. Et c'est là qu'il est. Je pense que c'est vraiment un cinéaste sadien au sens où pour lui, et on le voit vraiment dans le film, les êtres expriment leur subjectivité par la violence. Et ça, c'est quelque chose qui... Et on le voit dans le film, en fait. Chaque scène, d'ailleurs, est une agression. Chaque scène, on peut le dire, de elle, c'est vraiment une agression. Que ce soit quand Isabelle Huppert boit un café dans une croissanterie, café croissanterie, où elle se fait renverser son plateau dessus. Quand elle parle à son fils, c'est une agression. Voilà. Quand elle parle à son ex, c'est une agression. D'ailleurs, en fait, elle se gare dans la rue. Elle défonce sa voiture. On comprend que c'est la voiture de son ex-mari. Effectivement, tout est une agression. Et néanmoins, il faut quand même revenir sur ce qu'elle dit à Laurent Lafitte, cette idée de regard vide. Sur la photo, elle dit « j'ai un regard vide ». Et là, il faut quand même, ce terme de regard est très intéressant parce qu'effectivement, tout est vu à travers les yeux de l'héroïne, donc de Michel Leblanc. On peut faire un clin d'œil aux thèses quand même de female gaze. Tout est vu à partir non pas de l'homme, mais de la femme, de l'héroïne, d'Isabelle Huppert. Et néanmoins, elle dit « ce regard est vide ». Et là, c'est comme si là aussi on était déjoué dans nos attentes. Vous allez avoir un film de femme vu par une femme, mais finalement vous allez avoir avant tout un film et je ne vais pas vous donner une réponse sur ce qu'est une femme, sur ce qu'est une victime, sur ce qu'est un viol. Ah non, non, il n'y a aucune réponse. C'est vraiment, je reviens sur moi, ma théorie du chat, mais c'est vraiment. Moi je trouve que là où il y a un face-à-face, en fait, là pour moi où cette question du female gaze ou du male gaze, c'est que là pour moi il y a un face-à-face entre Verhoeven, Isabelle Huppert, entre Verhoeven et son héroïne, entre Laurent Lafitte et Huppert. Et c'est là que je trouve ça très fort. Mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment cette idée qu'il se cogne contre le mur qu'incarne son héroïne et qui est vraiment une porte blindée. Et je trouve ça plus fort, en fait, que de la psychologiser. Souvent, quand on surpsychologise, on a tendance à surpsychologiser les femmes au cinéma. Je pense à certains films de Woody Allen. Je trouve ça, pour moi, c'est misogyne. Alors que dire, en fait, là, je peux pas avancer. Là, il y a un terrain qui m'est presque interdit. Oui, mais c'est aussi une vision tout à fait fantasmée et presque et misogyne aussi, que de dire que la femme est un mystère, c'est une porte blindée, que on n'arrive pas à savoir ce qui se passe derrière son regard comme un chat, vous voyez ? Oui, tout à fait, je comprends. Mais c'est pas le mystère féminin, c'est pas le continent noir. Je parle pas de ça. Parce qu'il est capable de le faire pour les hommes. C'est vraiment, il est pas en train de conclure à un mystère du féminin. Il est en train de dire je sais pas. Et lui-même dit Verhoeven, je ne peux pas tirer de conclusion. Ce qui m'intéresse philosophiquement, c'est qu'on ne sait absolument rien. Il s'en tient à ça. Il est pas en train de parler de mystère féminin. Il dit juste, vraiment, je ne sais pas ce que fait cette femme et je vais filmer ça. Je vais juste le montrer. Alors, pour preuve, on va écouter une autre scène, Muriel Joudé, où la preuve que, effectivement, Paul Verhoeven ne sait pas ce qu'il en est des femmes et il ne sait pas non plus ce qu'il en est des hommes, puisqu'on va assister à une scène incroyable, en fait, de déni familial. Je cherche un endroit qui pourrait avoir du sens. Ça m'étonnerait que je tombe sur une pancarte avec marqué dessus « Dispersez les cendres de votre mère ici ». La tétine. On avait fait un pique-nique là-bas une fois, là, juste un peu plus bas. Ah oui, je me souviens très bien. Sa salade de poulet m'avait donné des ballonnements épouvantables. Tu l'as pas prise ? Je sais pas, je sais pas. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel ? Trois fois je te l'ai répété aujourd'hui. Deux fois à la maison, une fois dans la voiture. Mais tu fais exprès ou quoi ? Comment elle lui parle ? Mais c'est pas étonnant en même temps, hein ? À force de jouer à l'Xbox comme un gros attardé ! Arrête ! Arrête. Ouais. Mais quoi, arrête? Je te fous la honte, c'est ça? Tu mérites qu'on couvre. Baby Blues. J'espère que mon fils va pas trop tenir d'elle. Question tempérament. Vincent, il est très mignon cet enfant, mais c'est pas ton fils. T'es au courant quand même. Ah, trouvé. Josie! Vincent, tu m'écoutes? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton fils. Mais regarde-le, t'as vu sa peau? Elle est deux fois plus foncée que la tienne ou celle de Josie. Mais tu le vois quand même! Et à qui il est s'il est pas à moi? Bah, qui il est? Il est à son père! Et son père, c'est pas toi! Je suis désolée, mais on est en train de se moquer de toi! Me touche pas, Vincent. Me touche pas. Connasse. Quoi? Répète-le. Connasse. Comment? Connasse! Vincent! Alors, cette scène est aussi tout autant incroyable que les autres. Enfin, ce film est incroyable, faut vraiment le voir. Donc, Michel, Isabelle Huppert, est venue disperser les cendres de sa mère et elle cherche de manière assez nonchalante un endroit où les disperser. Donc, déjà, c'est un petit peu cocasse. Son ex-mari, Charles Berling, lui dit « Oh, bah là, on avait fait un pique-nique ». Bon, déjà, ça commence quand même comme ça. Et puis, on assiste vraiment à une scène de dispute entre son fils Vincent et sa compagne Josie, qui viennent d'avoir un enfant. Et cet enfant n'est effectivement pas l'enfant de Vincent, puisque il a une couleur de peau noire, alors que Vincent est blanc, donc ça ne peut pas être son fils. Et pourtant, il est dans le déni. Et tout le monde est dans le déni. C'est-à-dire qu'on est dans le déni de la tristesse, le sérieux d'un enterrement. On est dans le déni de qui est père, qui n'est pas père. En fait, c'est vraiment un film construit sur le déni, pas seulement de Huppert, mais vraiment de tous les personnages. Et là, je me pose la question, je vais ajouter, mais comment on peut filmer à ce point le déni ou le secret? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on filme quand on ne filme que des portes blindées qui se murent et qui n'ont aucun sentiment? C'est ça, c'est que là, je pense qu'on touche à ce que fait Verhoeven, c'est-à-dire vraiment ce pirate qui débarque dans un pays, dans un imaginaire, donc c'est son premier film français, et qui va vraiment pirater cet imaginaire de l'intérieur. Donc là, on est vraiment dans le cadre, dans les codes du drame bourgeois, soyons plus précis, dans le film chabrolien. Huppert est assez habitué aussi. Voilà, elle a fait 7 films avec Claude Chabrol. Et du coup, il rentre dans ces codes-là, c'est-à-dire en gros l'idée d'une bourgeoisie qui va tenter de sauver les apparences, qui refoule impulsionnel, qui ne cesse de faire retour. C'est vraiment ça, Chabrol, sorte d'opposition comme ça entre la bourgeoisie, c'est propre, mais en fait le sale revient toujours. On essaye de jeter une sorte de nappe blanche de déni sur le pulsionnel, sur les crimes, sur tout ce qui ne va pas dans la bourgeoisie. Et Verhoeven prend cette idée-là, il l'intensifie, enfin vraiment, il pousse le curseur au maximum jusqu'à ce qu'il y ait du déni partout. En fait, en voyant le film, je me suis dit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il transforme le drame bourgeois en quelque chose de complètement mécanique. C'est vraiment où les scènes, on pourrait vraiment les lire comme pour un déni, un retour du refoulé. Pour un déni, un retour du refoulé. La première scène du film, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, Laurent Lafitte, qu'est-ce que c'est? C'est le retour du refoulé. Michel a été... c'est très bizarre qu'on la tienne pour complice de son père alors qu'elle avait 10 ans. Mais disons que voilà, c'est une manière de dire cette femme est née coupable. Et donc, y a, à partir de ce crime originel, refoulé, va apparaître plein de retours du refoulé. Et Laurent Lafitte, qui surgit par la fenêtre, c'est le retour du refoulé. Et donc, tous ces personnages, on le voit bien lors du dîner de Noël, c'est là qu'on se dit, c'est quand même pas qu'un film sur Michel, c'est vraiment que des gens complètement dégénérés. Il y a la mère qui sort avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Il y a... Une sorte de gigolo, hein, d'ailleurs. Oui, c'est totalement un gigolo. Il y a le fils qui a le plus beau déni parce que lui, il n'est pas capable de voir que son fils n'est pas le sien. Il y a Anna qui n'est pas capable de voir que son mari la trompe. Voilà, en fait, c'est vraiment l'idée que... Là, je citerai une féministe dont on va revenir tout à l'heure, Camille Paglia, qui dit « La vie civilisée exige le maintien d'une illusion ». C'est vraiment ça. C'est que, avec l'idée derrière, que finalement le couple c'est ça, c'est deux folies, au pire, au mieux deux névroses qui se mettent d'accord, voire deux psychoses entre Huppert et Laurent Lafitte. Mais il y a vraiment cette idée d'une sorte de définition complètement réductionniste du couple, c'est-à-dire presque deux tarés, j'aimerais être un peu vulgaire, deux tarés qui se mettent ensemble. Et ce qui est très bizarre dans le film, c'est qu'il n'y a aucun personnage n'incarne la normalité. Il n'y a que du pathologique, donc on ne peut, on n'a aucune assise en fait. On peut comparer aucun, on peut pas se dire ah ce personnage est normal donc celui-là est fou. Ils sont tous fous. C'est ça qui est très bizarre. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage prononce à peu près ce mot que j'ai repéré de vrai. C'est-à-dire que quand Isabelle Huppert annonce à ses amis qu'elle s'est fait violer, son amant qui est aussi le mari de sa meilleure amie lui dit en vrai. Quand sa mère, parce que là effectivement sa mère, on y est, elle est en train, on est en train de disperser ses cendres, s'effondre en fait, elle fait une rupture d'anévrisme dans son salon au moment de Noël, elle dit c'est pas vrai, et après elle demande à la médecin alors qu'elle est aux urgences, mais est-ce qu'elle est pas en train de jouer la comédie, est-ce qu'on peut jouer la comédie quand on est dans le coma, est-ce qu'elle est vraiment en train de mourir, et tout le monde en fait effectivement est pathologique, personne n'est normal, tout en essayant de jouer la normalité et tout en essayant de demander où est la vérité, est-ce que c'est vrai, et ça c'est vraiment quelque chose de repérable dans ce film. Oui, c'est vrai. C'est... Ben voilà. C'est-à-dire qu'il y a, là, il y a deux trucs. Il y a Verhoeven qui, pour moi, avec ses films de personnages féminins, en les revoyant, donc Black Book, La chair et le sang, Showgirls, il y a vraiment cette idée que la vie d'une femme est presque comme un jeu vidéo. Voilà, c'est vraiment une guerre et cette guerre fait spectacle. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on avance d'un jeu vidéo, que rien n'est vrai. Donc ça, c'est le côté Verhoeven. Le côté Huppert, c'est que tout est frappé d'irréalité pour Huppert. Il y a vraiment un côté. Mais... Et c'est, ça, c'est là qu'elle met une distance entre ce qui lui arrive, c'est que pour elle, la vie est ailleurs et elle comprend jamais ce qui lui arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est une coordonnée qui a toujours été là, peut-être depuis Madame Bovary de Chabrol, où elle ne croit jamais en ce qui, elle ne croit pas aux événements. Et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui la rend invincible, c'est que elle n'y croit pas. C'est tordu. Pardon ? C'est tordu ce qui se passe entre nous, c'est malsain, c'est comme une maladie. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous pensez peut-être même pas vous en tirer après ce que vous m'avez fait. Hein ? Je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le premier jour. De quoi vous parlez ? Je pense pas qu'à moi, je pense à votre femme, aussi. Et aux autres, peut-être. On sait pas. De quoi vous parlez exactement ? Combien d'autres auxquels vous avez fait ce que vous m'avez fait subir ? Je vais aller à la police. Je veux pas y aller par quatre chemins, je vais tout leur dire. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Muriel Joudet, vous vous êtes frotté les mains en entendant le début de cet extrait. Effectivement, c'est vraiment une scène clé de ce film avec cette phrase de Michel Leblanc, donc de Isabelle Huppert. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. Alors là, on a tout. On a l'idée du regard vide, on a l'idée du déni, et maintenant tout s'est transformé. Isabelle Huppert a repris le contrôle. On y est. Ouais, là, on est dans le nœud du nœud du nœud. C'est-à-dire qu'on ne, on ne, ce qui est génial avec cette scène, c'est qu'on ne connaît pas son statut. Et c'est pour ça que, Huppert le dit très bien, plus on avance. Elle dit, c'est comme chez Chabrol, Verhoeven, plus on avance, moins on en sait. Et il s'agit pas d'en savoir plus à la fin de cette émission. Il s'agit vraiment d'ouvrir des pistes et de dire, ah, quand même, ce film. Donc, il faut le laisser ouvert. Donc, je vais laisser ouverte cette scène. Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, Michel, soit Michel, donc là, on est vraiment dans le cadre d'une violence contractualisée. Ça, c'est très Huppertien. C'est-à-dire qu'au début de sa carrière, elle reçoit la violence et elle se la prend en pleine figure. Et avec la pianiste, ça va être une relation sadomasochiste. Qu'est-ce que c'est la relation sadomasochiste pour Huppert ? C'est-à-dire que, devenue une star, devenue une grande actrice, elle dit comment lui arrive la violence. Elle la contractualise, donc elle devient la metteuse en scène de comment la violence lui arrive. Et là, on est vraiment dans ça. Donc, on n'est plus du tout dans le viol, dans une violence contractualisée. Mais quand même, on se pose la question de pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle rejoue le viol ? Pourquoi, voilà. En fait, elle est consentante au viol ? C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a une idée qui est presque inadmissible, en fait ? C'est ça. Et alors, il y a une scène juste avant, la scène de viol simulé juste avant. On nous a montré que Laurent Lafitte n'était plus excitée à partir du moment où Michel montrait son consentement. Donc il faut aussi prendre... J'ai l'impression que sur les scènes de viol, on oublie toujours de parler de l'homme, juste de la réaction de la femme. Mais il y a aussi cet homme qui n'est excité que par le non-consentement. Et du coup, Huppert joue le non-consentement. Et donc là, elle joue le non-consentement. Elle dit « je vais appeler les flics », tout ça. Et on sent que ça, en fait, ça va l'exciter. Et donc, je reprends mes pistes de tout à l'heure. Soit Michel plongé dans un monde ultra-violent, patriarcal, dans ce qu'on appelle aujourd'hui une culture du viol, a des fantasmes d'agression. Soit Michel, femme puissante, aime se faire dominer sexuellement. Et là, je citerai encore cette féministe Camille Paglia qui dit, j'ai trouvé cette phrase incroyable, « Chaque fois que l'on recherche ou obtient la liberté sexuelle, le sadomasochisme ne sera pas loin. » Donc, c'est Michel. Qui domine son monde en public et qui veut se faire dominer en privé. Troisième piste, plus vérovénienne et qui existe aussi dans le film, parce qu'on nous montre au début du film que, en fait, la première scène de viol, on la voit au moment où Michel se la remémore. Et à un moment, elle se la remémore en imaginant qu'elle tue son agresseur. Donc ça veut dire que là, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de répéter une scène traumatique tout au long du film jusqu'à prendre le dessus sur son agresseur. Donc on est dans le cadre d'un jeu vidéo. Elle reprend la partie jusqu'à gagner la partie. C'est presque une répétition, comme une répétition de théâtre, par exemple. Donc on est dans un rape and revenge. Donc Michel répète la scène avec son agresseur jusqu'à pouvoir le tuer. C'est pas elle. Rape and revenge, c'est viol et vengeance. Voilà. Et le film vraiment creuse cette hypothèse, mais il creuse aussi les deux autres. Ça qui est génial. Et je ne peux pas en dire plus. Je vous propose, Muriel Joudet, d'entendre tout de suite un texte de Virginie Despentes où justement est citée Camille Paglia, que vous avez citée déjà de nombreuses fois, et c'est un texte que vous nous avez conseillé. Camille Paglia est sans doute la plus controversée des féministes américaines. Elle proposait de penser le viol comme un risque à prendre, inhérent à notre condition de fille. Une liberté inouïe de dédramatisation. Oui, on avait été dehors, un espace qui n'était pas pour nous. Oui, on avait vécu, au lieu de mourir. Oui, on était en mini-jupe seule, sans un mec avec nous. La nuit, oui. On avait été connes et faibles. Incapables de leur péter la gueule. Faibles comme les filles apprennent à l'être quand on les agresse. Oui, ça nous était arrivé. Mais pour la première fois, on comprenait ce qu'on avait fait. On était sortis dans la rue parce que, chez papa-maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris le risque. On avait payé le prix. Et plutôt qu'avoir honte d'être vivante, on pouvait décider de se relever et de se remettre le mieux possible. Paglia nous permettait de nous imaginer en guerrières, non plus responsables personnellement de ce qu'elles avaient bien cherché, mais victimes ordinaires de ce qu'il faut s'attendre à endurer si on est une femme et qu'on veut s'aventurer à l'extérieur. Elle était la première à sortir le viol du cauchemar absolu, du non-dit, de ce qui ne doit surtout jamais arriver. Elle en faisait une circonstance politique. Quelque chose qu'on devait apprendre à encaisser. Paglia changeait tout. Il ne s'agissait plus de nier, ni de succomber. Il s'agissait de faire avec. C'est un texte lu par l'équipe des Chemins, Manon Delassalle, Louise André, Carla Michel, Anaïs Isbert, et avec cette phrase que vous nous avez conseillée, donc c'est un texte de Virginie Despentes, King Kong Theory, avec cette phrase, effectivement, on voit bien la résonance avec Isabelle Huppert, avec son personnage, on pouvait décider de se relever et de s'en remettre le mieux possible. C'est exactement le personnage de Michel Leblanc. Ah, c'est ça, c'est la première scène du film, c'est on se relève et on y retourne. Là, il y a vraiment, c'est-à-dire que j'ai choisi ce... Alors, j'avais lu une interview de Philippe Djian, je l'ai jamais retrouvée. Donc, qui est le roman, parce que je l'ai pas dit, qui voilà, est le roman, effectivement, qui a écrit le roman O, à partir duquel a été adapté ce film. C'est ça. Et donc, j'ai l'impression d'avoir déliré ce moment où Djian raconte qu'il a écrit O après avoir lu King Kong Theory. Alors, comme j'ai jamais retrouvé. S'il nous entend, peut-être pourra-t-il. Voilà, il pourra m'envoyer un message ou pour m'insulter ou pour me remercier. Mais en tout cas, peut-être que c'est faux. Et alors que je suis en train de délirer, mais pour moi, elle est une adaptation de ce passage de King Kong Theory et Verhoeven a beaucoup de points communs avec Camille Paglia, c'est-à-dire les femmes doivent prendre acte du fait que le monde est violent. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce constat-là? il y a l'autodéfense. C'est ce que nous montre le film. C'est un stage d'autodéfense. C'est exactement comme dans Showgirls. C'est exactement comme dans Black Book. On prend acte du fait que pour une femme, la vie est violente. Et du coup, on va apprendre à s'autodéfendre. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'autodéfense chez Verhoeven? Il y a un truc très, très beau que je trouve extrêmement juste. Il y a la simulation. Cette idée que pour survivre, une femme doit simuler. Ça, on le connaît tous. Et encore une fois, je suis pas en train de parler d'un devoir-être, de qu'est-ce qu'il faut faire pour. Les femmes font ça. Elles simulent le plaisir, elles simulent le fait d'être contente d'être là, elles simulent tout le temps, elles sourient, tout ça. Encore une fois, c'est pas un devoir-être. Et pour Verhoeven, tous ses films racontent ça. Elles simulent l'amour, elles simulent le plaisir, elles simulent le non-consentement. Une femme doit être une très grande actrice pour survivre. Et c'est ce que montre notamment Basic Instinct, c'est ce que montre ce film, c'est qu'il faut simuler pour s'en sortir. Et dans le cas de Michel, c'est plus comprendre que personne ne va l'aider. Il y a une phrase comme ça dans Showgirls où le personnage de cette jeune femme qui veut devenir danseuse a le malheur de faire confiance à quelqu'un et quelqu'un lui dit « ne fais confiance à personne ». Et ça, c'est vraiment très important pour les femmes chez Verhoeven, c'est on se défend soi-même et on fait confiance à personne. Mais vous avez dit, Muriel Joudet, qu'il n'y avait pas de place laissée à ce statut de victime dans ce film. Néanmoins, dans le texte de Virginie Despentes, il y a quand même cette idée de victime ordinaire. Et j'ai peut-être une autre hypothèse à vous soumettre à propos de ce film et sur cette absence, sur ce statut, absence ou présence de statut de victime, c'est que finalement, Huppert nous permet aussi de le voir autrement, c'est-à-dire être victime sans être dans une posture victimaire, victimiste. D'ailleurs, il y a ce passage très intéressant à un moment donné avec Anna qui lui parle de son viol et qui lui dit « mais c'est toi la victime ». Et elle parle à ce moment-là de son père. Huppert disait « mais j'étais déjà une victime avant ». Finalement, Huppert se bat aussi pour être reconnu comme victime de son père et pas comme psychopathe. Et là, elle se bat pour ne pas être reconnue que comme victime. Et on voit bien en fait qu'il y a une articulation sur quelle bonne place donner à ce que c'est qu'être victime dans sa vie sans que ça prenne toute la place ou sans que ça correspondent à une définition une et universelle pour chaque femme. Oui, c'est vrai, ce que vous dites résonne avec ce que dit Verhoeven sur il faut arrêter de voir que les scènes de viol dans le film en fait. C'est-à-dire que dans l'idée d'une violence qui est toujours permanente, d'une vie tramée de micro-agressions et de violences permanentes, hein, je parle encore du film, le viol n'est qu'une des manifestations, c'est ce que dit Paglia et Despentes, et là encore j'avance avec leurs mots, le viol n'est qu'une énième agression parmi tant d'autres. En fait. C'est-à-dire que c'est une manière de dire la violence est partout et du coup le viol devient dépassionné. Voilà, on dépassionne un peu cette question-là. Et je sais que c'est un passage dans King Kong Theory qui a beaucoup marqué les lectrices. Et c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il n'y a Paglia derrière. Et que cette idée d'une violence généralisée, du fait qu'en fait on sort dans la rue et il peut se passer quelque chose, et le fait de prendre conscience de ça, c'est une force. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment une force. Ça vient de Paglia et c'est vraiment une idée extrêmement subversive et que je trouve très belle et très juste et très vérovénienne. On arrive à la fin du film et on va écouter deux extraits en un. Rebecca. Bonjour. Vous avez trouvé un acheteur? La maison a perdu un peu de sa valeur, mais sans plus. L'agent immobilier a bien travaillé. Je vous donnerai ses coordonnées si vous voulez, si jamais... Ah, mais j'ai pas l'intention de partir. On en entasse des choses. Je voulais vous dire... Je suis vraiment désolée pour tout ce que vous avez enduré. Oui, heureusement, j'ai la foi. À quoi ça sert si c'est pas dans les situations difficiles? Patrick est un homme bon, mais... Il avait une âme torturée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Michel, sincèrement, je suis heureuse que vous ayez pu lui donner ce dont il avait besoin. Pendant un temps, au moins. On m'a dit que t'étais là. Physiquement, en tout cas. Alors, on lance le projet de Richard? Oh, je vais laisser s'amuser un petit peu. Et Robert, il va bien? Je l'ai foutu dehors. Non. Depuis, il passe son temps à se bourrer la gueule. Qu'est-ce que tu lui trouvais, en fait? Oh, c'était juste un truc comme ça. J'avais envie de baiser. Ça n'excuse rien. C'était vraiment nul. Ah, plus que ça, même. Vincent, il est grand maintenant. n'y a plus que toi et moi. Et moi, je suis toute seule dans cette immense maison. Je vais la vendre. Je me demandais si je pourrais pas venir habiter avec toi pendant un moment. Alors, on a tout d'abord entendu Michel discuter avec Rebecca, donc Virginie Efira, donc la femme de Laurent Lafitte qui a été tuée par le fils d'Isabelle Huppert, qui l'a surpris en train de violer sa mère. Et puis, on a entendu juste après Michel qui se réconcilie avec son amie Anna, quand même, qu'elle couchait en fait avec son mari, donc elle trompait aussi sa meilleure amie d'une certaine manière. Et là, on a vraiment deux scènes en parallèle. J'irais peut-être pas dire jusqu'à d'amitié dans les deux cas, mais en tout cas de complicité féminine. Là, c'est très très beau, c'est très très fort ce que fait Verhoeven, que ce passage avec Virginie Efira n'est pas dans le roman, donc c'est Verhoeven qui l'ajoute, et David Burke, son scénariste, qui l'ajoute. Qu'est-ce que nous font comprendre ces deux scènes? Qu'il y a une sorte de société secrète de femmes qui tiennent les rênes de la mise en scène, tout simplement, qui savent très bien ce qu'elles font. C'est un truc très qu'on retrouve chez Verhoeven, c'est-à-dire le savoir est du côté des femmes. Les hommes ont tous été évacués, à part le fils qui est le toutou de sa femme. Et qui quand même tue le violeur de sa mère. C'est ça, mais on peut comprendre qu'il a été le jouet de sa mère. C'est-à-dire que sa mère, il y a ce regard, quand Laurent Lafitte, avant de s'effondrer, regarde Huppert le regarde comme si... avec un côté bien fait. C'est-à-dire qu'elle savait que son fils allait venir le tuer. C'est très bizarre. Allait mettre fin au jeu. Voilà. Le jeu qu'elle avait repris, à savoir de rejouer les scènes de viol de manière consentante tout en mimant le non-consentement, allait être interrompu par son fils. Voilà. C'est-à-dire que Huppert n'a pas tué son agresseur, mais elle savait que son fils allait le tuer. Donc lui, c'est vraiment, il faut dire quand même, parce qu'on parle beaucoup des femmes, de fait, parce que les hommes sont des personnages extrêmement fades, extrêmement piteux, qui sont, une sorte de pantins, hein. Voilà. C'est les pantins de leurs pulsions. Et les femmes le savent, ça, et elles en jouent, parce que chez Verhoeven, il y a vraiment cette idée que les femmes savent, dans un monde d'hommes, les femmes doivent connaître les codes et jouer avec cette idée que les hommes sont les jouets de leurs pulsions. Donc première scène, on comprend qu'Efira n'était pas si bête que ça. Et la dernière scène que je trouve magnifique, c'est vraiment cette idée, encore une fois, le film contient tellement de choses, il contient donc ce que dit Despentes et Paglia... sur le viol, il contient l'idée d'autodéfense qui est très présente aujourd'hui dans le féminisme et il contient aussi l'idée de solidarité féminine, de sororité comme on dit, c'est-à-dire deux femmes qui devraient se haïr dans la vie quotidienne parce que... Les trois d'ailleurs en fait. Ouais, les trois devraient se haïr parce qu'en fait Huppert couche avec les mecs de ces deux femmes, mais elles savent que leur amitié est plus forte que ça. Et surtout, c'est la seule relation qui reste. Finalement, la normalité arrive là. C'est-à-dire que la normalité, la beauté d'une relation apparaît à la toute fin du film entre ces deux femmes. Tout le monde a été évacué. Tout le monde, toutes les relations quasiment ont été détruites. Il ne reste plus que ces femmes. La normalité surgit au moment où la situation devient presque anormale. C'est-à-dire les hommes ne sont plus là et ces deux femmes vont vivre ensemble. C'est ça. En fait, elles ont terminé le jeu vidéo et elles ont zigouillé tous les ennemis. Merci beaucoup Muriel Joudet. Je rappelle que de vous on peut lire donc Isabelle Huppert aux éditions Capricci, c'est sorti en 2018, mais aussi beaucoup plus récemment Gina Roland, On aurait dû dormir, aussi aux éditions Capricci. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez France Culture, vous écoutez aussi Iggy Pop, Lust for Life, c'est une des seules chansons diffusées dans Elle, le film de Paul Verhoeven. Il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Vox, le pourquoi du comment. Le plaisir et la peine sont-ils les seuls principes de l'éthique? Il y a, semble-t-il, une boussole très simple pour s'orienter dans nos choix et donc dans l'éthique, cette invention humaine pour justifier l'action dans des choix différents. Quand nous avons des options différentes et que donc nous avons le choix, il y a une boussole très simple qui semble issue de la vie elle-même, de notre corps peut-être. C'est la polarité entre le plaisir et la peine. Nous cherchons d'un côté ce qui satisfait notre corps, les plaisirs, et nous résistons à ce qui lui s'oppose à lui, en quelque sorte, et que nous appelons la douleur ou la peine. Jean-Jacques Rousseau le disait très simplement dans l'Émile, au début du livre 4 de l'Émile ou du traité de l'éducation. « Ce qui nous plaît, on le cherche. Ce qui nous nuit, on le fuit. » Il y a donc ici un partage de l'être, un partage du monde, dès qu'il y a des êtres vivants, entre l'utile d'un côté et le nuisible de l'autre. Et c'est peut-être la première justification de nos choix et donc de l'éthique en général. La morale qui s'appuie sur cette distinction apparemment simple, on l'appelle, et en France souvent avec un certain mépris, avec une certaine condescendance, on l'appelle l'utilitarisme. C'est celle qui, d'une certaine manière, du côté du plaisir, met l'utile et peut le calculer. Il y a des unités pour mesurer l'utilité, et ça donne l'économie aussi. Et d'un autre côté, le nuisible, et là aussi, on peut calculer le dommage. Et donc, on va mettre en balance l'utile et le nuisible. En France, très souvent, pour des raisons historiques, philosophiques et politiques aussi, on méprise un peu l'utilitarisme. Mais c'est une boussole, évidemment, une boussole, pourtant, qu'il faut sûrement compliquer. Et on n'a pas tort d'y voir, en effet, des problèmes. Il y a deux problèmes traditionnels de l'utilitarisme. D'abord, c'est le passage de l'éthique individuelle. Je cherche mon utilité et je fuis les dangers pour moi, hein, ce que disait Rousseau, hein, ce qui nous plaît, on le cherche, ce qui nous nuit, on le fuit. L'étendre à toute une société, ce qu'on appelle dans l'utilitarisme l'utilité générale, l'intérêt général. Or, évidemment, l'utilité de tous, ça n'est pas exactement la somme de l'utilité de tous un par un. Il faut arbitrer entre l'utilité des uns et l'utilité des autres. Il faut un principe de justice. Le passage à l'intérêt général n'est pas si simple à partir des intérêts particuliers. Et d'une certaine façon, c'est là le caillou dans la chaussure de l'utilitarisme. C'est le passage à la politique. Il faut pourtant, parfois, calculer les risques et les bénéfices, comme dans l'éthique médicale, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte les principes, la liberté et l'égalité. Et c'est pourquoi en France, souvent, on résiste à l'utilitarisme. Il ne faut pas l'abolir, mais le concilier avec ses autres principes. Et il y a encore quelque chose de plus compliqué, peut-être. Et complétons la citation de Rousseau. Il ne disait pas seulement « ce qui nous plaît, on le cherche » et « ce qui nous nuit, on le fuit ». Il disait « ce qui nous veut plaire, on l'aime. Ce qui nous veut nuire, on le hait ». Il s'ajoute entre les hommes des plaisirs et des peines intentionnelles que nous nous donnons ou que nous nous infligeons les uns aux autres. Le plaisir et la peine sont aussi dans les relations entre les hommes ce qui les rend proprement morales. L'intention de plaire ou de nuire, l'intention de donner du plaisir ou d'infliger de la peine, voilà aussi le domaine de la morale. Voilà pourquoi l'utilitarisme est compliqué entre les humains par toutes nos actions délibérées et par l'envie de résister aux unes et de favoriser les autres. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Carla Michel, Jules Barbier, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, à la réalisation Laurence Malonda, avec à la prise de son aujourd'hui Félix Delacour, Bernard Gabé à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette deuxième émission de notre série sur Paul Verhoeven et sur son film Elle, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et puis rendez-vous demain pour la suite de notre série consacrée au cinéaste Paul Verhoeven, cinéaste de l'ironie. Donc, et demain, nous parlerons du film très connu, très célèbre, Basic Instinct. Nous demanderons en quoi écrire, c'est apprendre à mourir. Et ce sera avec Hélène Frappa. À demain.